France Musique. Merci Elsa Boublil. Eh bien, passez un très bon dimanche et on vous retrouve le jour de Noël, dimanche prochain, dès 9h sur France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. Il est le seul en France, en 50 ans, à avoir mis en scène une comédie musicale à Broadway. Par amour, actuellement à l'affiche du Lyric Theatre, en pleine 42e rue, ça ne s'invente pas. Il rentre à peine du Japon, où il vient de créer une nouvelle comédie musicale autour d'un fameux manga. Et il est surtout le chorégraphe français le plus populaire, dont le grand public se rappelle les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville, un clip à deux personnes sur la chanson de Bourvil, Le Petit Bal, des chorégraphies audacieuses qui font penser parfois à de la bande dessinée, Codex, Triton, où il mélange avec plaisir mime, cirque et fantaisie. Il a dépoussiéré la revue du Crazy Horse, il a même créé dans la Mecque du cinéma, au Kodak Theater, où se déroule chaque année la cérémonie des Oscars, un spectacle hommage au 7e art, produit par le Cirque du Soleil. Bonjour Philippe Découfflet. Bonjour. Merci de passer sur la 42e rue de France Musique. Créer deux comédies musicales, comme vous l'avez fait, en une année, c'est pas beaucoup ? C'était deux opportunités que j'avais pas envie de laisser passer. Et ça n'est pas moi qui décide du timing des choses. Donc, non, j'étais très heureux. C'était deux expériences très, très différentes l'une de l'autre. Hein. Broadway et Yokohama, c'est très différent. Alors vous allez nous raconter votre travail sur ces deux œuvres et puis surtout je vous ai laissé les clés de l'émission. C'est vous qui avez choisi les titres diffusés ce matin, à commencer par celui-ci. Wonderful Wizard of Oz. Well, here he is, a wizard of whiz, if ever a whiz there was. If ever, oh, ever a whiz there was, the Wizard of Oz is one. Because of the wonderful things he does. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Follow the yellow brick road, follow the yellow brick road. A man's an empty kettle, he should be on his mettle, and yet I'm torn apart. Just because I'm presuming that I could be kinda human if I only had a heart. I'd be tender, I'd be gentle, and awful sentimental regarding love and art. I'd be friends with the sparrows and the boy who shoots the arrows if I only had a heart. Picture me a balcony above a voice sings low. Wherefore art thou, Romeo? I hear a beat. How sweet, just to register emotion, jealousy, devotion, and really feel the part. I could stay young and chipper, and I'd lock it with a zipper, if I only had a heart. Thank you. on a tous reconnu un extrait du Magicien d'Oz, Philippe Découfflé, pardon, je vous ai appelé Philippe Découfflé. Vous me dites que je ne suis pas le premier, en même temps ça m'assure un peu. Oui, on fait souvent l'erreur, mais voilà. Pourquoi ce choix du Magicien d'Oz ? Eh bien, parce que moi, je suis tombé amoureux de la comédie musicale comme genre quand j'étais gamin. Et c'est avec des films comme Le Magicien d'Oz, hein, qui est un de ceux qui m'a le plus marqué, que j'ai dû voir une douzaine de fois. C'est à la fois un film commercial qui a très bien marché, qui est très efficace. Et en même temps, c'est hyper créatif. Le fait comme ça que la vie réelle soit en noir et blanc, que le monde des rêves soit en couleur, ces trois créatures insensées, là, l'homme de fer, l'homme de paille et l'ours qui accompagne Dorothy dans sa quête. Et puis ce monde, lorsqu'ils arrivent dans ce monde, c'est un monde occupé par des nains quand même. Donc il y a une... Moi, j'ai toujours bien aimé la différence, travailler avec des gens au physique étonnant. Et là, c'est un monde qui est peuplé de nains. Les comédies musicales vous ont inspiré dans votre travail, Philippe Découfflé ? Ah bah beaucoup, je me suis beaucoup nourri de ça, ouais. Comme c'est un genre qui mélange les genres, hein, ça m'a beaucoup plu, influencé, ouais. Quels autres films vous avez découverts à ce même âge, alors ? Bah, la série des films avec Fred Astaire et Gene Kelly, toutes les grandes comédies musicales américaines, comme ça, avec ces deux acteurs. Après, dans ceux que j'ai oublié de recommander, il y a Stormy Weather. J'ai découvert après que les Noirs étaient extrêmement talentueux et qu'il y avait toute une vague musicale et chorégraphique. Il y avait des danseurs à claquettes absolument extraordinaires, qui étaient noirs et qui étaient moins connus que Fred Astaire et Gene Kelly. Quoi d'autre? Bah, il y a un tas de choses, mais on va écouter des extraits de plusieurs d'entre eux. Oui, par exemple, vous avez choisi une chorégraphie de Bob Fosse, c'était dans le film The Pajama Game, une chorégraphie, un moment dans ce film, je crois que c'est Jean-Luc Godard qui disait que c'était la première comédie musicale socialiste de l'histoire, puisque c'est l'histoire de grévistes dans une société qui fabrique des pyjamas, et à un moment, un des grévistes, pour savoir combien il reste en caisse, décide d'aller un petit peu draguer la comptable, et il y a ce grand moment, et ce grand numéro qui s'appelle Hernando's Hideaway. Pourquoi avez-vous choisi ce morceau-là ? Alors celui-là, parce que en fait je l'ai réutilisé dans le spectacle Shazam que j'ai monté il y a maintenant au moins 15 ans. Et c'était sur le final de Shazam, on avait tous une espèce de petite danse sur ce morceau. Donc ça me rappelle, et ce film que j'ai beaucoup aimé, parce qu'effectivement, les danseurs dans ce film sont les travailleurs de l'usine. Donc il y a une espèce de mise en scène chorégraphique du travail à l'usine qui m'avait beaucoup plu et beaucoup fait rire. Et donc j'avais réutilisé ce morceau pour le final de Shazam. Alors on se replonge dans ce film, The Pajama Game, avec Carole Haney dans le rôle de la comptable. I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway. Olé! All you see are silhouettes, and all you hear are castanets. And no one cares how late it gets. Not at Hernando's Hideaway, olé. At the Golden Finger Bowl or any place you go, you'll meet your Uncle Max and everyone you know. You are sitting close and making love to me. You may take my heart, you may take my soul, but not my key. Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Hideaway, olé! Fresh! Who's that? Poopsie! Hey, buddy, this ain't Poopsie. I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face. A glass of wine, a fast embrace. Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Hideaway. Extrait de The Pajama Game, la comédie musicale de Richard Adler et Jerry Ross, adapté au cinéma en 1957. C'était Hernando's Hideaway avec Carole Haney et John Wright, choisi ce matin par Philippe de Coufflet sur la 42e rue de France Musique. Ce morceau, Philippe de Coufflet, m'a fait penser à une autre musique composée pour votre première comédie musicale à Broadway. Un titre qui s'intitule Love Triangle, où on voit un triangle amoureux à trois circassiens. Il y en a un des hommes qui est au sol, l'autre est sur un trapèze, et puis une jeune femme qui circule de l'un à l'autre. Alors c'est actuellement à l'affiche à Broadway, Par amour, cette comédie musicale. Dites-nous tout. C'est une pure comédie musicale. Là, on a tout est construit autour de ce triangle amoureux, et j'ai pu intégrer des scènes de danse, des scènes d'optique, des scènes comme j'aime les créer avec les moyens conjoints du Siècle du Soleil et de Broadway, donc des moyens assez importants de production. Il y a 40, pas loin de 50 artistes. Donc là, en l'occurrence, ce Love Triangle, c'est une espèce de scène plus ou moins hystérique entre la femme qui est entre un homme d'âge mûr et un jeune compositeur talentueux, comme ça, qui est déchiré entre ces deux hommes, l'un qui va lui donner le pouvoir et l'argent, et l'autre qui, avec lequel elle partage un amour de l'art et de la musique. Et on a ces trois chanteurs qui sont comme ça dans un triangle assez tendu, et effectivement, trois acrobates qui font un numéro que je trouve extraordinaire, qu'on ne va pas pouvoir voir à la radio ce matin, mais qu'on peut imaginer et qu'on peut voir à Broadway. Qu'est-ce qui vous intéressait lorsqu'on vous a proposé, ils sont rares, enfin, je crois que le dernier Français qui a mis en scène une comédie musicale à Broadway, c'est Robert Derry dans les années 50. Qu'est-ce qui vous intéressait dans... C'était quoi, un challenge ? Ouais, c'était un challenge. C'était l'occasion de retravailler avec le Cirque du Soleil, qui est quand même le plus gros producteur de spectacles au monde maintenant, donc qui met à votre portée des moyens super importants pour réaliser des grands spectacles, et j'aime bien ça quand même. Et puis c'était un défi, parce que justement, j'ai grandi dans un amour de la comédie musicale, une fascination pour ce que faisaient les Américains. Busby Berkeley est un de mes grands maîtres, et de pouvoir marcher sur ces pas à Broadway, c'était quelque chose de... Voilà, que j'avais pas envie de louper, quoi, que j'avais envie de vivre. J'ai eu la chance d'y aller, j'y étais les yeux fermés et les bras ouverts. On sait que Broadway, c'est grand public. Est-ce que vous avez dû adapter votre style ? On vous a demandé d'être plus populaire pour être grand public. Ça a été sûrement une des difficultés pour moi, c'est que là-bas, j'étais considéré comme un dangereux avant-gardiste, hein, et que ce que j'essayais d'amener, c'est vrai que j'ai eu du mal à imposer mes idées, qu'il fallait tout négocier tous les jours, que tous les jours, on avait des réunions de production pendant lesquelles on m'expliquait ce qu'il fallait faire comme spectacle et pourquoi il fallait le faire de telle manière et pas d'une autre. Donc ça a été dur, ça a été des négociations constantes pour essayer de garder une certaine intégrité, de garder une couleur forte, pour que ça ne se dilue pas dans un espèce de goût pas très intéressant. Enfin, ça a pas été une expérience facile, mais le spectacle est un drôle de mélange entre qui utilise des règles de la comédie musicale assez classiques, parce que j'ai dû écouter mes commanditaires, et en même temps, je pense qu'il y a des passages qui sont un peu fous, très créatifs et très étonnants. Dont ce Love Triangle. No one can win this twisted game we play. say? What should I say? I'll lift you higher than he ever would. I'll give you more than that boy ever could. He wants to use you and he doesn't care. Star maker, soul shaker, heartbreaker. I need some air, can't let go as I dangle from the corner of this love triangle. Millions knowing your face, love then makes your heart race. How to choose without choosing disgrace. Can't let go as we dangle from the corners of this love triangle. Come on, who will you be? Will you choose him or me? I'm beginning to see the three of us is one too many. Come with me, I've got some money saved so we can go somewhere far. I thought of Marrakesh or Mexico. Extrait de Par amour, la comédie musicale de Philippe de Coufflet, actuellement à l'affiche à Broadway, Love Triangle avec Robbie Lewis, Jeremy Kushner et Ryan Vaughan. 42e rue sur France Musique, Laurent Vallière. Et Philippe de Coufflet, à qui nous confions les clés de la programmation ce matin de 42e rue. Comment ça se passe à Broadway? On vous appelle, on vous dit, Philippe de Coufflet, on a besoin d'une comédie musicale de votre part, allez-y. Comment vous l'avez conçu, ce spectacle? Alors, c'est un peu compliqué. En fait, c'est le Cirque du Soleil avec lequel j'avais déjà travaillé qui m'a contacté parce que j'avais monté un spectacle dont ils étaient très contents, Iris, qu'on avait joué donc à Los Angeles au Kodak Théâtre, qui a joué un peu plus d'un an là-bas et qu'ils voulaient reprendre parce qu'ils en étaient très contents et que c'était manifestement pas le bon endroit, Los Angeles, pour le montrer. Donc, le Cirque cherchait un endroit où reprendre ce spectacle et ils avaient une vraie volonté de s'installer à Broadway et de proposer quelque chose à Broadway. Comme Iris, c'était un hommage au cinéma, à la comédie musicale déjà, c'était un spectacle sur le cinéma. La commande, c'était de l'adapter, d'en faire une relecture pour Broadway et qui soit en relation avec la comédie musicale américaine plus qu'avec le cinéma. Donc j'ai retravaillé pour modifier le spectacle, mais en réalité, il en reste d'Iris reste deux scènes. Donc il doit y avoir un quart d'heure dans Par amour qui sont issus d'Iris, du premier Iris. Et le reste a été écrit, corrigé. Donc il y a un écrivain qui a travaillé pour essayer de raconter une histoire, ce Love Triangle, dans laquelle intégrer les images que je voulais récupérer d'Iris. Et puis j'avais un assistant metteur en scène qui a pris pas mal d'importance avec le temps parce qu'il était plus au fait des méthodes de Broadway et manifestement il répondait un peu mieux à la demande des commanditaires. Donc j'avais toute une équipe autour de moi. C'était un travail de groupe. J'ai eu l'impression d'être plus un employé comme les autres qu'un vrai metteur en scène sur ce projet. Ah oui, vous n'en parlez pas avec grand sourire quand même. C'était intéressant, mais c'était dur. Ah oui. Parce que produire un spectacle, c'est faire participer à une grosse machine qui va générer des bénéfices, d'abord, avant de faire une œuvre d'art. c'est d'abord faire créer une machine à faire du cash. Donc c'est pas ma spécialité. Je suis quand même un artiste, un vrai. Enfin, voilà, j'ai envie de créer, j'ai envie d'inventer des formes nouvelles. J'ai beaucoup de mal à me répéter. Je prends pas beaucoup de plaisir à tirer sur des ficelles et à essayer d'utiliser des trucs pour être efficace. Je suis plutôt quelqu'un qui aime chercher des choses nouvelles, même si je me répète malgré moi. Mais... Donc c'était difficile de faire accepter ces innovations. C'était pas évident, mais encore une fois, c'était le résultat est tout à fait intéressant. Je pense pas que la musique montre toute la créativité du projet. La musique est finalement assez conventionnelle, je pense, pour une comédie musicale comme ça. Alors que visuellement, c'est quand même assez. Il y a des choses assez étonnantes. Alors le spectacle rend hommage à Hollywood. Vous l'avez dit, puisque c'est en partie aussi inspiré par ce que vous aviez créé à Los Angeles avec cette revue qui s'intitulait Iris. Fred Astaire, vous l'avez dit, Gene Kelly font pas partie de la pile de disques que vous avez apporté ce matin. Ils vous ont influencé, non? Ah oui, beaucoup. J'ai vu énormément de films. Fred Astaire qui danse tout autour de la pièce, là, c'est une des choses qui m'a beaucoup marqué. Dans Royal Wedding. Bravo. Et puis, d'une manière générale, ouais, c'est des danseurs, comédiens, clowns, ce genre de grand acteur multicarte qui me plaît beaucoup. Fred Astaire qui danse tout autour de la pièce dans Royal Wedding, et ben justement, c'est le morceau que nous allons entendre tout de suite. Everywhere that beauty glows, you are. Everywhere an orchid grows, you are. Everything that's young and gay, brighter than a holiday. Everywhere the angels play, you are. You're like Paris in April and May. You're New York on a silvery day. A Swiss Alp as the sun grows fainter. You're Loch Lomond when autumn is the painter. You're moonlight on a night in Capri. And Cape Cod looking out at the sea. You're all places that leave me breathless. And no wonder you're all the world to me. In April and May, you're New York on a silvery day. A Swiss Alp as the sun grows fainter. You're Loch Lomond when autumn is the painter. You're moonlight on a night in Capri and Cape Cod looking out at the sea. You're all places that leave me breathless. And no wonder you're all the world to me. You're all the world to me. Fred Astaire dans Royal Wedding. Le film, c'est une chorégraphie donc où il dansait sur chaque pan de mur dans cette pièce, Philippe Découfflet. C'est une chorégraphie qui vous a inspiré dans certaines de vos chorégraphies, il me semble, non? Ben, j'aime beaucoup l'idée de pouvoir danser partout dans un décor. Et je m'étais posé la question pendant longtemps de savoir comment est-ce qu'ils avaient bien pu réaliser cette scène. En réalité, ils avaient construit un décor d'une pièce, donc, et l'ensemble du décor tourne avec la caméra, tout tourne, ce qui fait que effectivement le danseur reste debout, mais c'est l'ensemble du décor et de la caméra qui tourne. Et j'ai essayé de reproduire ce procédé-là, mais c'était vraiment trop compliqué. C'est impossible à le faire sur scène en direct. C'est pas la même chose puisque le spectateur voit le trucage, hein, donc tout dépend de savoir si on a envie de montrer ou pas les procédés. Philippe de Coufflet, autre choix surprenant. Les 5000 doigts du Docteur T, un film musical qui est, on va dire quoi, situé quelque part entre Le Magicien d'Oz et Mary Poppins, un film de Roy Rowland, l'histoire d'un jeune garçon qui prend des leçons de piano avec un prof qui lui impose sans cesse des gammes et puis qui s'endort un jour et se rêve dans une cité inquiétante où règne justement ce professeur terrible. C'est comme Le Magicien d'Oz, c'est un film sur un rêve et j'aime beaucoup ce film parce que c'est une série B. Donc on sent les décors plus ou moins bien faits. Enfin, il y a un petit côté bricolé là-dedans et en même temps, c'est hyper ambitieux. On est dans un monde de rêve. Donc ce professeur de piano a fait construire un piano géant pour 500 enfants, pour 5000 doigts, pour jouer. Et le but, c'est qu'il joue son grand œuvre. Il a écrit une grande œuvre qui est faite pour être jouée par 500 enfants, qui seraient les Happy Fingers. Et ma scène préférée, c'est une scène qui se passe dans les oubliettes où il a enfermé tous les musiciens qui ne jouent pas du piano. Et donc vous avez dans ces oubliettes tous les musiciens qui jouent autre chose que du piano et qui se sont transformés en instruments de musique à force d'être comme ça en lien avec leurs instruments de musique perdus dans des oubliettes. Et ça m'a beaucoup inspiré, j'avais créé une pièce à l'Opéra de Paris en hommage à cette scène. Tutti, c'est ça. Et aujourd'hui, j'ai choisi un morceau très court, qui est le morceau du liftier, parce qu'il y a donc un ascenseur qui permet de descendre aux oubliettes, et vous avez une espèce de bourreau terrible, comme ça, qui appuie sur les boutons et qui commente les différents étages. Et donc, vous nous avez demandé de diffuser la version non censurée, expliquez-nous. Parce que j'ai découvert, en faisant des recherches pour votre émission, que je me suis toujours demandé pourquoi cette chanson était aussi courte. Parce que je la trouvais très drôle, et le bourreau appuie sur deux boutons, et on est tout de suite arrivé dans les dessous. Et en réalité, j'ai appris récemment que au moment du montage, les producteurs ont fait couper une partie de la chanson, parce qu'elle était trop noire. Parce qu'ils parlaient d'un étage absolument épouvantable, et que c'était quand même un film pour les enfants et que ça pouvait pas passer, quoi. Alors la version complète du donjon avec donc ce fameux troisième étage. Express my deepest appreciation, pal. Without your kind assistance, I never would have been here at all. Chambers, roasting pots, and scalpels. la chanson de l'ascenseur ou la chanson du donjon dans ce film Les 5000 doigts du Docteur T, choisi par Philippe de Coufflet. Il y a aussi dans ce film un décor baroque, il y a aussi des perspectives un peu bizarres. Je dirais que c'est un film très graphique. On retrouve un peu votre amour de la bande dessinée dans ce genre de film, non ? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est très graphique, très coloré. Je ne peux que le recommander à ceux qui ne l'ont pas vu, petits et grands. La bande dessinée vous a inspiré, on peut le dire, pour vos mouvements, pour chorégraphier tous ces personnages. Je parle de ça parce que vous avez choisi ensuite un dessin animé qui n'est pas un dessin animé, qui est un film en marionnette de Tim Burton qui s'intitule L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et j'ai l'impression que effectivement il y a des parentés dans les mouvements de ces personnages avec votre travail. Oui, ben au départ, c'est vrai que j'ai lu beaucoup de bandes dessinées enfant, que j'en lis encore. Mais pour les mouvements, finalement, c'est plus Tex Avery qui m'a beaucoup influencé parce que c'est dans ses dessins animés, il travaillait beaucoup la gestuelle de ses personnages et les personnages ont des gestuelles impossibles. Ils rebondissent sur le nez, ils deviennent plats quand ils s'écrasent contre une porte. Ils ont une gestuelle quand même tout à fait riche et passionnante qui m'a beaucoup plu adolescent et dont je me suis servi pour tenter des mouvements impossibles quand j'ai commencé ce métier de chorégraphe. Donc ouais, j'aime l'absurde, j'aime les mouvements impossibles, j'aime donner à voir des images qui sont proches du rêve et dans le dessin animé, il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc chez Tim Burton, il y a cet univers aussi baroque, un peu noir, c'est lui qui a mis à la mode tout cet univers gothique. Et l'étrange duel de Monsieur Jack, pour moi, est particulièrement réussi, c'est vraiment un super film d'animation. Et puis il y a la musique de Danny Elfman, et c'est pour moi un des plus grands compositeurs de musique de film vivant. J'ai eu la chance de travailler avec lui à Los Angeles, donc pour Iris. Et c'est vraiment un grand monsieur et j'avais envie de passer un morceau de lui. Quoi. Quand vous dites que vous avez eu la chance de travailler avec Danny Elfman, comment on travaille avec Danny Elfman ? Vous lui dites, voilà quel genre de numéro j'aimerais réaliser et voici quel genre de musique j'aimerais ? Donc lui travaille d'une manière très particulière. Il écoute ce que vous lui dites, il y réfléchit et puis après il vous envoie 20, 30, 40, 50 morceaux, mais de 10 à 30 secondes, des esquisses. Et puis après, il s'agit de rebondir là-dessus et de lui dire ce que je vois. Donc, certaines esquisses me semblaient collées pour une ouverture ou pour tel numéro. Et donc, je l'orientais là-dessus et ensuite, il développait ses morceaux en fonction de ça. Ce qui est drôle, c'est qu'il me faisait écouter des choses en me disant « Voilà, ça, j'ai fait ça en pensant à Stravinsky. » Et moi, j'entendais du Elfman, quoi. Alors, on va l'entendre, Danny Elfman, parce qu'il fait partie des chœurs dans cette chanson introductive de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ça s'intitule « This is Halloween ». You like to see something strange? Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween. This is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween. Everybody make a scene. Trick or treat. Tell the neighbors on the diaphragm. It's our town. Everybody's scream. This town of Halloween. I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise. Found that golden egg hiding in the trash can. Something's waiting now to pounce and how you'll scream. This is Halloween. Red and black. It's slightly green. Aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice. Take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night. Everybody scream. Everybody scream. In our town of Halloween. I am the clown with the tearaway face. Here in a flash and gone without a trace. I am the who in the cold who's there. I am the wind blowing through your hair. I am the shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. Tiddle-umblings everywhere. Life's no fun without a good scare. That's our job. But we're not mean. in our town of Halloween. In this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might catch you in the back and scream like a banshee, make you jump out of your skin. This is Halloween, everybody scream. Won't you please make way for a very special guy? Wildman Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king. Now this is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. We call home, everyone hail to the pumpkin song. This is Halloween, extrait de L'étrange Noël de Monsieur Jack, le film de Tim Burton, une musique de Danny Elfman. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Qui a laissé les clés de l'émission et de la programmation à Philippe de Coufflet ce matin. Et alors, surprise, prochain choix, certes du Jacques Demy, mais alors pourquoi choisir Daniel Darieux qui chante La femme coupée en morceaux? Ben parce que c'est une très jolie chanson, c'est pas la plus connue. Bah oui. Déjà, j'ai choisi Les Demoiselles de Rochefort, qui est un film qui est le classique de la comédie musicale française, quand même. Donc, je voulais choisir une chanson un peu moins connue, et celle-là me fait beaucoup rire. Hein. Donc, voilà, je voulais la partager. Et puis, le fait que Daniel Darieux chante elle-même, c'est peut-être la seule dans le film, d'ailleurs. Ouais, ça doit être ça. Formidable artiste. Ouais. Et super texte, quand même, cette chanson est super. Et Jacques Demy, évidemment, une influence aussi, parce que vous en mettez un peu des airs à la Jacques Demy, parfois, dans vos spectacles de danse. Peut-être, je ne sais pas très bien. En tout cas, c'était le grand réalisateur de comédie musicale en France, quoi. C'est le seul, je pense, qui a fait des succès dans notre beau pays avec des films de ce genre. Et il y a une vraie couleur, une espèce de naïveté, de fraîcheur très particulière dans son cinéma. Mais c'est quelque chose qui vous emporte, qui fonctionne. Donc je trouve ça très chouette. Avec des couleurs vives qui peuvent vous influencer, là, pour le coup. Alors, on était dans le gothique tout à l'heure. Là, les couleurs... Ouais, il avait fait repeindre les façades des Rochefort. De Rochefort. Mm-hmm. Ouais, donc c'est pas mal comme luxe. Vous partez? Oui, j'avais 2 jours de permission à récupérer. Je vais à Nantes voir ma famille. Je vais en permanente. En permanente, parce que vous êtes drôle. Donnez-moi une bière. Oui. Je serai de retour lundi matin. Juste le temps de préparer ma valise et adieu Rochefort. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la Bienséance à 2 pas du château. On trouva ce matin une malle d'osier renfermant les morceaux de Pélagie Rosier. Une ancienne danseuse des folies bergères, premier prix de beauté et de danse légère. Elle avait 60 ans, puis connue autrefois sous le fier pseudonyme de Lola Lola. Elle envoûtait les foules et des salles entières l'acclamaient en hurlant aux soirées de première. On a ouvert la malle et aussi une enquête. On attend des détails, la police est discrète. On pose des questions, on fouille l'entourage afin de découvrir l'auteur du découpage. Ça te dit quelque chose, ça, Lola Lola? Jamais connu de danseuse. Tiens, voilà Josette. Bonjour. Vous en avez mis du temps. J'ai été arrêtée par un quart de police en rentrant de l'école où j'ai mis votre fils. Je me suis renseignée, on cherchait un sadique que certains qualifiaient de fou métaphysique. D'autres disaient de lui que c'est laid, que c'est lâche, l'arme du crime est oula si oula. Le monstre avait coupé la dame savamment et rangé les morceaux avec discernement. Dans l'ordre énuméré par l'ordre des docteurs, avec les pieds en bas. Arrêtez, quelle horreur! On dit que l'on s'agite en milieu informé, que la population ne doit pas s'alarmer. Je vais aller voir ça, le mystère m'enchante, puis je prendrai mon train. Il va en permanence. Au revoir à lundi. Prenez votre bagage. Au revoir mes amis. Et faites bon voyage. « Dieu que ce crime est laid, quel assassin sale. Il rangea cependant les morceaux dans la malle. Daniel Darieux, La femme coupée en deux. C'est vrai que vous allez travailler sur une comédie musicale avec Bruno Dumont au cinéma, Philippe de Coufflet. Alors j'ai eu la chance cet été de travailler un peu avec lui. Ouais, il a tourné, ça y est, c'est fait. Il a tourné une comédie musicale qui raconte l'enfance de Jeanne d'Arc. Oui. Et c'est tourné avec, comme d'habitude chez lui, c'est toujours dans le même coin, sur la côte d'Opale, avec des enfants amateurs qui chante sur une musique. Alors c'est un compositeur qui s'appelle Igor qui a fait la musique. C'est une sorte de hard rock assez particulier. C'est un ovni. C'est un film très spécial. Moi j'y suis passé juste quelques jours et j'ai Danser Jeanne d'Arc. Pour faire danser Jeanne, ouais, oui. Jeanne, Oviette et tout ça. Ouais, vous l'avez fait danser comment? Écoutez, on a travaillé, j'avais une assistante, Clémence Galliard, qui a fait l'essentiel du travail, en fait, et on a travaillé d'après la gestuelle des enfants. On a provoqué des choses chez eux pour voir ce qu'ils pouvaient faire, parce que quand vous avez affaire à des gamins qui ne sont pas comédiens, pas chanteurs, pas danseurs, eh ben, on essaye de tirer des choses de leur potentiel, quoi. Donc, c'était une très belle expérience. Je pense que ça sera un film assez particulier, assez fort, comme tout ce que fait Bruno Dumont. Et ben on attend ça. Alors, vous êtes un peu gonflé, parce que Philippe de Coufflet, on se contacte avant, on vous demande de nous envoyer une liste de comédies musicales, et vous mettez Alexandre Nevsky de Sergei Eisenstein, qui n'a rien d'une comédie musicale, il me semble, de 1938, et pourtant je sens que vous y tenez à passer la musique de Prokofiev, qui a composé donc la musique de ce film. Ben oui, parce que ça, c'est un film que j'ai découvert aussi à, je sais pas quoi, 13 ans. Ça a été un grand choc pour moi, mais ça a été un grand choc musical et chorégraphique, bizarrement. Parce que pour moi, ce film est construit comme un ballet. La manière dont les plans, il y a beaucoup de personnages, notamment cette grande bataille sur la glace, mais il y a une affluence de personnages qui sont traités, pour moi, comme des danseurs. C'est extrêmement rigoureux, c'est extrêmement précis, c'est d'un point de vue graphique, d'un point de vue... Je travaille comme ça, moi, sur scène, souvent je travaille sur la notion d'équilibre et de déséquilibre, et c'est toujours parfaitement équilibré chez Eisenstein. Donc c'est un noir et blanc sublime, c'est un film épique. A priori, j'étais... La musique classique, c'est pas mon truc fondamentalement, mais là j'ai été bouleversé par le lien qu'il y a dans ce film entre la musique et les images, et pour moi ça s'apparente à une comédie musicale, parce que c'est vraiment un film musical où les mouvements sont traités pour moi comme de la danse. Il y a du chant, donc c'est une comédie musicale, non ? Un extrait du film Alexander Nevsky, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg, dirigé par Yuri Termikhanov. Une musique, donc, composée par Prokofiev. Philippe de Coufflet, on parlait tout à l'heure de comédie musicale. On parlait de votre comédie musicale créée cette année à Broadway. Mais c'était pas la première fois que vous créez une comédie musicale. Vous avez réalisé en 2015 un autre spectacle qui s'intitulait Contact, avec 16 acteurs, chanteurs, danseurs, musiciens, avec des numéros qui s'enchaînaient. C'était à la fois une revue et à la fois une comédie musicale. Je sais pas ce que vous en pensez. On a l'impression que depuis quelques années, vous allez vers ce style de spectacle. Pourquoi ? C'est un genre effectivement qui m'intéresse parce que je trouve que la comédie musicale est un genre qui fonctionne parfois très bien au cinéma, mais en spectacle, presque jamais. Non, il y a très peu d'exemples de comédie musicale, spectacle qui est le même potentiel de magie, je trouve que des... En France, vous voulez dire ? Même en général, je trouve que c'est un genre qui est génial en film et qui est difficile en spectacle. Vous êtes resté à New York pendant 6 mois et vous n'avez rien vu qui vous plaisait en comédie musicale sur scène? Ben, j'ai pas pu voir Hamilton, qui est le grand succès là-bas, qui à mon avis fonctionne. Mais le reste du temps, non, je trouve ça. Enfin, il y a quelque chose qui pour moi ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qui fonctionne pas? Ben, c'est trop commercial, justement. Moi, j'aime que les choses soient des succès par hasard, parce qu'elles sont tellement fortes et belles qu'elles ne peuvent qu'avoir du succès. Mais je trouve que essayer de rentrer comme ça dans des codes, de suivre des recettes et d'appliquer à la lettre des préceptes de comment faire un succès, en général, ça fait des choses qui sont quand même plutôt caricaturales, qui ne sont pas très créatives. Et de plus en plus, alors là c'est surtout en France, mais on voit c'est très tout ça est très influencé par la télévision, par tout ce que la télé a amené comme mauvais goût autour de la comédie musicale depuis quelques années. Donc c'est plutôt triste et j'avais envie de me confronter au genre en faisant quelque chose qui me semble bien, qui m'intéresse, donc avec une musique plus rock déjà, quelque chose qui soit pas trop sirupeux, mais qui soit une musique qui touche, mais qui rappe un peu aussi, qui gratte. J'avais aussi envie de traiter une histoire, mais en prenant beaucoup de liberté par rapport à cette histoire. Donc dans Contact, on a revisité le mythe de Faust. J'ai pas mis le Phantom of the Paradise dans ma sélection, parce que c'est un film que j'aime beaucoup, mais les musiques ont beaucoup vieilli quand même. Donc Phantom of the Paradise, qui était une adaptation de Faust, et j'ai donc travaillé sur le mythe de Faust avec Nosfell et Pierre Le Bourgeois, les deux compositeurs. Et ça a donné un spectacle très expérimental qui malheureusement n'a pas eu le succès qu'il aurait mérité parce qu'on a mis très longtemps à le mettre au point en fait. Et que sur les premières dates, quand les critiques sont venues, on n'était absolument pas prêts. Puis il y avait une des danseuses principales qui s'était blessée. Enfin bref, le spectacle était en friche. Et il est devenu, à mon avis, bon au bout de 6 mois d'exploitation. Et là, on vient de terminer la tournée au Japon et en Corée. Et ça a eu un succès énorme là-bas. Et je voulais en passer un extrait parce que là, c'est une comédie musicale. Oui, et puis ce que vous avez choisi, c'est un hommage à West Side Story, on peut le dire. C'est absolument une scène de bagarre où vraiment, quand j'ai été voir le spectacle Contact, voilà, vous aviez deux gangs qui se bagarraient et chorégraphiés parfaitement. C'est un hommage explicite à West Side Story, effectivement. On a tourné, j'avais écrit un motif de danse qu'on a été tourné dans une cité à Saint-Denis, puisque donc je travaille à Saint-Denis. Et ensuite, ce film sert de fond à la performance, ce qui fait que vous avez une synchronisation parfaite entre un film et une action live. Thank you. Extrait de Contact, la comédie musicale de Philippe de Coufflet. Et ce morceau sur une bagarre à la West Side Story. Philippe de Coufflet, vous débarquez à peine du Japon, si je comprends bien. Vous y étiez il y a 10 jours encore pour créer une autre comédie musicale. Racontez-nous de quoi il s'agit. Alors, je crois que c'est l'adaptation d'un manga. Et là, je me dis, mais c'est formidable, ça y est, vous avez réalisé votre rêve. Adapter une bande dessinée en comédie musicale. Ouais, j'ai réalisé l'un de mes rêves et puis aussi une promesse que j'avais faite à mon papa, à feu mon papa, de monter un jour un spectacle dont le héros serait un robot. Et Watashi wa Shingo, My Name is Shingo, ça raconte l'histoire d'un robot. Ça a été écrit dans les années 80 et c'est deux enfants qui sont passionnés par Goldorak et les robots tels qu'ils étaient dans les années 80 et qui se lient d'amitié avec un robot industriel à qui ils vont apprendre un tas de trucs. Et ce robot industriel va les pousser à commettre un acte insensé qui va en fait lui donner vie. Donc ce robot va prendre vie, va avoir une âme et va prendre son autonomie. De fait, il n'a pas beaucoup de scrupules, donc il tue les personnages qu'il gêne au fur et à mesure de l'histoire. Et en fait, il va chercher ses parents, puisqu'il a décidé que ses deux enfants étaient ses parents, parce qu'eux l'ont programmé. Ça parle d'Internet avant l'heure, puisqu'il va devenir omniscient, il va se brancher à tous les satellites de la Terre pour essayer de retrouver par tous ses satellites ses parents, et il va pas les retrouver, c'est un drame absolu. Les deux enfants, eux, vont grandir, vont devenir adolescents, ils vont s'oublier l'un l'autre. Enfin, c'est un drame terrible. Et alors, la musique et la danse, elle est où là-dedans alors? Parce que ça... Alors, la musique que j'aime beaucoup, elle est signée de deux compositeurs japonais qui ont travaillé ensemble pour cette œuvre, qui s'appellent Umitaro Abe et Shingo Tokumaru. Et ils ont fait un super boulot. Ils ont travaillé avec un orchestre qui s'appelle Open Reel Ensemble. Et c'est trois garçons qui jouent des bandes magnétiques. Donc vous avez trois gars sur scène qui manipulent des bandes magnétiques et un quatrième au clavier. Et il y a un casting de jeunes acteurs, chanteurs japonais qui m'ont épaté, qui sont très talentueux. Les rôles principaux sont joués par des gens qui ont entre 20 et 24 ans et qui sont déjà des acteurs accomplis et des chanteurs bons, quoi. Donc c'était une très belle expérience. Ça ressemble à quoi sur scène? Ça ressemble à un manga? C'est des décors très colorés, très... Alors on a voulu faire des décors. Non, les décors sont très sobres. C'est un jeu de cubes qui s'assemble parce qu'il y a 14 scènes différentes. Ça se passe dans une usine, sur un bateau, dans un centre nucléaire, dans des égouts. Enfin, on est dans des lieux constamment différents qui sont signifiés de manière assez sibylline avec quelques objets. Le gros travail, ça a plutôt été les costumes, les lumières, la vidéo. Et donc on utilise des images du manga, mais des jeux d'ombre chinoises. Alors vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu avec un extrait musical. Est-ce qu'on pourrait, vous pourriez nous situer le moment où on va entendre ce morceau dans le spectacle? Ouais, c'est la dernière musique du spectacle. Donc c'est un drame, à la fin les enfants ne se sont pas trouvés, le robot meurt, c'est un drame absolu. Mais là on passe dans une autre dimension, une espèce de dimension de rêve virtuel où les deux enfants et l'âme de Shingo vont se retrouver et entonner un duo, trio, vous allez entendre. Thank you. Watashiwa Shingo, je m'appelle Shingo. Extrait de cette comédie musicale que vous venez de signer au Japon, Philippe de Coufflet. On va pouvoir la voir un jour en France, à votre avis ? Je l'espère, je le souhaite, hein, parce que c'est vraiment un spectacle, tout ce qui est de plus étonnant et intéressant. C'est à la fois une comédie musicale et un ovni, donc non, c'est bien. Merci beaucoup d'être passé par la 42e rue. Merci, tout le plaisir est pour moi. On pourra vous voir la saison prochaine, vous tourner avec votre spectacle seul en scène, si j'ose dire, solo. Ça sera en février et mars, et puis vous créez une série de pièces courtes à la Coursive, à La Rochelle, à partir de mai prochain. Plus d'informations, le podcast, la réécoute en ligne, les commentaires que vous nous adressez, tout ça vous retrouvez sur francemusique.fr à la page de la 42e rue. Merci à Martine Moni qui m'a aidé à préparer cette émission, à Alexandre Billard à la technique et à la réalisation, à Perrine Minguy. Notez d'ores et déjà le prochain cabaret 42e rue. Dimanche 8 janvier, nous recevrons la troupe belge de la comédie musicale Un violon sur le toit, actuellement en tournée en France, comme toujours. Réservation indispensable, toutes les informations sur maisondelaradio.fr. Rideau ! À dimanche prochain, nous serons tous ensemble le jour de Noël. Et pour le moment, à midi sur France Musique, c'est l'heure de Stéphane Grant. Bonjour Stéphane.